La Noël des jouets. Le bonhomme hiver avait été sorti de sa boîte et depuis une semaine s'étalait au beau milieu de la vitrine, à l'endroit où les petits garçons et les petites filles pouvaient le mieux l'apercevoir du dehors. Nul, en le voyant tout poudré de frimas, dans sa longue houppelande fourrée qui lui tombe jusqu'aux bottes, ne pouvait douter que le temps des neiges ne fût revenu. Et en effet, non seulement son bonnet garni de fourrure, ses grosses moufles et son col relevé jusqu'aux oreilles portaient les marques des terribles rafales blanches qui assaillent le voyageur perdu dans les steppes septentrionaux. Mais encore, les flocons avaient si bien empli sa longue barbe de vieillard qu'elle semblait changée en une barbe d'argent. Oh, il arrivait de loin, le bonhomme hiver! En marche dès les derniers jours du dernier automne, il avait laissé le pôle derrière lui, avait traversé les mers de glace et les plaines couvertes d'une neige éternelle. Un beau matin, était entré dans Paris, sans tambour ni trompette, après avoir marché si vite, que le petit astrologue, qui, de dessous son chapeau pointu, turlututu, regarde constamment le ciel à travers de grosses besicles rondes, le croyait encore au Kamtchatka, alors que déjà il secouait par la rue sur le trottoir de la boutique les belles ouates étincelantes qui lui duvetaient les cheveux, la barbe et les habits. Même, il semblait que jamais le bonhomme hiver ne s'était annoncé plus rude. Rien qu'à le voir sous sa toison chenue, qui lui donnait l'aspect d'un ours blanc arrivé par express sur ces flottantes banquises qui sont les diligences de l'océan polaire, on était pris de frissons dans le dos et les dents claquaient comme si tout à coup on eût senti se répandre en soi un froid mortel. Ce n'était là que l'impression du premier moment, car tout de suite après, les roses qui lui fleurissaient les joues comme le reflet de quelque lointaine aurore boréale faisaient penser, on ne sait trop pourquoi, à la flamme des bûches brûlant dans l'âtre. Et une chaleur délicieuse procurait la sensation d'une pièce bien chauffée, où le vent ne pénètre pas et que de petits enfants roulés sur les tapis animent de leurs rires et de leurs jeux. Peut-être le grand ouvrier des joujoux, en donnant ainsi au vieux rouleur de chemin tout à la fois des joues roses, qui lui laissaient comme une apparence de jeunesse éternisée, et une barbe toute blanche, qui faisait penser à un Mathusalem antique comme le monde, avait-il voulu faire comprendre que, même à travers les glaces du plus âpre hiver, même sous les neiges de l'âge le plus avancé, le cœur garde encore un trésor de chaleur et de vie qui ne permet pas à la mort d'accomplir entièrement son œuvre. Vieux rouleur de chemin, ai-je dit, et certes le mot est juste, bien que, tout d'abord, il semble un peu irrespectueux appliqué à l'un de ces quatre ministres que le bon Dieu a chargé du gouvernement des quatre saisons. Depuis que la terre est la terre, c'est-à-dire depuis qu'aux approches de la Saint-Nicolas, de la Noël et des étrennes, les magasins de jouets se peuplent de polichinelles, de pantins, de boîtes à soldats, de chevaux mécaniques, de chiens à soufflets et de poupées, tous les ans on le voit reparaître avec son paletot blanc, ses cheveux et sa barbe de neige et son nez piqué de rose par la bise, dans ses hautes bottes fourrées, qui seraient pareilles aux bottes de cette lieue du petit Pousset, si, à la différence de ces fameuses bottes, celles du bonhomme hiver, à chaque pas qu'elles font par monts, mers, fleuves et vallées, ne mettaient entre la pointe et le talon de chacune d'elles jusqu'à 25, 30 et 40 lieues, ce qui est bien plus extraordinaire. Or, toutes ces années s'ajoutent à son âge sans le changer. Il a toujours le même visage lisse, luisant, divinement illuminé de joie et de douceur, comme si un peu du soleil parti au temps des neiges continuait à brûler sous sa dure et revêche écorce. Ses épaules sont toujours fermes et droites, sans que les misères et la longueur du chemin puissent les faire fléchir. Et tels nous, les grands, nous l'avons connu, frais, joli, heureux, avec sa houppelande, son bonnet, ses bottes, quand nous étions petits. Tels vous, nos cadets, quand vous serez grands, vous le reverrez encore, défiant les atteintes du temps qui ravage tout et pourtant n'a point touché à sa majesté blanche. Or, à peine le bonhomme hiver se fut-il montré, étincelant de givre et rosé comme un bonbon à la vitrine de Cabarrus, que tous les petits garçons et toutes les petites filles qui, après la classe, s'arrêtaient devant l'étalage du vieux marchand, furent saisis d'une grande joie. L'un après l'autre, ils s'en venaient coller leur petit nez cramoisi contre la vitre, soufflant leur haleine sur le brouillard gelé qui les empêchait de distinguer nettement les objets. Sans doute les poupées, les soldats, les arlequins, les boutiques d'épicerie, les moulins à vent, les arches de Noé chatouillaient en eux le désir de la possession. Mais plus que tous les autres jouets, ils contemplaient la grande barbe blanche et les vêtements tatoués de neige de leur vieille amie. Le patriarche, de son côté, en jugé par l'air de contentement répandu sur son visage souriant, ne semblait nullement fâché du plaisir que sa vue remuait dans ses petits cœurs d'enfant. Même, il arrivait quelquefois que l'aîné s'écrasait contre la montre, au point de n'être plus des nez, mais des truffes, des marrons, des nèfles, des boules de mastic aplaties, et tout ce qu'on voulait, excepté des nez véritables. Et que les jolis fronts bouclés, à force de heurter la vitrine, manquaient renversés sur les rayons les grands pantins appuyés aux carreaux de verre. C'est que le bonhomme hiver, cause de toute cette curiosité ravie, ne ramenait pas seulement le temps des hommes de neige, que de grosses mains rouges font monter toujours plus haut, ni des folles parties où les mêmes grosses mains rouges roulent des pelotes glacées pour s'en bombarder. Le bonhomme hiver faisait naître encore la pensée d'une avalanche de beaux joujoux tombant par les cheminées dans les paniers et les sabots. Des arbres de Noël qu'au matin, dans les chambres aux rideaux bien clos, on aperçoit tout à coup, étincelant comme une nuit étoilée, avec des bougies, des globes de métal, des mirlitons et des rubans à chacune de leurs branches. Puis encore des boîtes de confiserie, des cornets de praline, des drageoirs remplis jusqu'au couvercle. Les mille surprises que le jour des étrennes fait pleuvoir entre les grosses mains rouges de tout à l'heure, qui alors cessent d'être rouges et deviennent toutes pâles, comme les joues et la bouche, dans le saisissement de palper ces merveilles délicates. Et voilà ce qui versait au cœur des petits garçons et des petites filles entassés devant l'étalage de Cabarrus, une si douce joie qu'ils en oubliaient l'heure de rentrer chez eux. À plus forte raison, ils oubliaient que si, pour les privilégiés, pour les heureux petits-enfants des riches, l'hiver se présente toujours sous les traits d'un jovial bonhomme aux poches rembourrées de jouets et de bonbons, riant dessous ses gros sourcils et son épaisse barbe de ouate, avec une bonne humeur qui défie la rigueur des frimas, les enfants des pauvres, eux, ne voient apparaître à leur chevet qu'un sombre fantôme, remuant de grandes mâchoires vides et décharnées comme un squelette sous les plis de son long suaire blanc. Et tantôt il s'appelle Famine, tantôt il s'appelle la Mort. Le joli monde des poupées, des équilibristes, des lapins jouant du tambour, des clowns cognant des cymbales, et des autres personnages dont se compose la comédie des jouets, n'avaient pas salué d'ailleurs la soudaine arrivée de Monsieur l'Hiver d'une moins vive joie que les ribambelles de fillettes et de garçonnets. Eux aussi, en effet, avaient des raisons pour trouver délicieuses les heures qu'allait bientôt sonner le coucou de l'horloge, maintenant que le bonhomme hiver avait repris sa place sur les rayons de l'étalage. Pensez donc. C'était le moment choisi des papas et des mamans pour faire leurs emplettes. Alors ils entraient en si grand nombre dans la boutique que Cabarrus ne savait où donner de la tête. Et comme il y a toujours eu une secrète émulation entre les jouets, chacun s'efforçait d'attirer l'attention, les pantins et les polichinelles par des grimaces et des contorsions, les poupées en affectant une modestie qui n'est point dans leur nature. Mais une chose mettait surtout en humeur toutes ces folles têtes de bois et de carton, éprises d'aventure et tourmentées par le goût du changement. Il leur tardait de savoir entre quelles mains elles allaient passer au sortir de Cabarrus. Toutes faisaient des rêves plus extraordinaires les uns que les autres. Et le moins qu'elles espéraient, c'était une affection inaltérable qui les unissait à de petits compagnons beaux comme le jour et qui ne finissaient qu'avec leur propre vie. Cependant, une joie différente régnait dans la mignonne crèche que le marchand avait placée à l'endroit le plus apparent de la vitrine, un peu au-dessous du bonhomme hiver. Il y avait là comme l'attente et le frisson de quelque événement prochain dont la petite étable et ses hôtes pacifiques devaient être témoins. On eût pu expliquer autrement l'air effaré des trois vaches, plus occupées à tendre le cou qu'à brouter la botte de foin qui leur servait de pâture. Et vraiment, toutes trois roulaient sous leurs cornes, des yeux si étonnamment dilatés vers un angle obscur du magasin qu'elles semblaient attendre la venue de quelqu'un qui dut arriver par là. Deux bergers aux jambes nues, si rouges qu'elles paraissaient avoir été cuites au feu, ce que rendait plausible l'habitude qu'ont les pâtres d'allumer la nuit des tas de brandes et de paille, tant pour se réchauffer que pour chasser les bêtes méchantes, tenaient leurs regards dirigés du même côté. Au bout d'un petit temps, une étoile d'or pendue à un fil de laiton dans un sapin et qu'on ne distinguait pas tout de suite, bien qu'elle brillât du plus vif éclat, donnait la clé de ce mystère. Nul doute, c'était cette étoile que contemplaient avec tant d'attention les trois vaches et les deux bergers. Elle-même ressemblait à un œil ouvert là-haut, et duquel tombait jusque dans l'étable un regard humide, d'une douceur et d'une tendresse infinie. Et cette particularité émouvante d'une étoile cachée dans les feuillages et regardant devant elle comme un simple œil humain suffisait certes à justifier la surprise manifestée par les bêtes autant que par les gens. Cependant, à force d'observer en tous sens, une légère éminence au pied de laquelle avait poussé le sapin finissait par s'apercevoir, aride et pelée, d'un ton rouge brique pour exprimer la stérilité désolée de la terre. Cette éminence peut-être n'eût rien dit par elle-même si on y avait remarqué la présence de trois petits personnages somptueusement vêtus et qui, la face tournée vers l'étable, paraissaient faire de visibles efforts pour s'y acheminer le plus rapidement possible. L'un d'eux, noir comme un pâté d'encre, sous le turban jaune qui lui saignait le front, portait une robe verte tombant en larges plis jusqu'à ses pieds et tenait à la main un encensoir d'or ciselé. Celui-là, à en juger par la couleur de sa peau, venait du fond des déserts. Le second était vêtu d'un manteau rouge bordé d'argent. Le troisième n'avait pas de manteau, mais marchait dans une tunique blanche. Et tous trois étaient les rois mages accourus pour saluer la naissance du petit Jésus dans la crèche. Il y avait longtemps déjà qu'ils s'étaient mis en route. Oui, dès le jour où la joie des enfants avait salué le bonhomme hiver derrière les vitres de Cabarrus, ils avaient quitté leur tante, leur femme, leurs serviteurs, appelés de si loin à ce grand rendez-vous de la fin de l'année, où leur présence était indispensable, et qui marquait dans la vie des jouets comme la fête d'amour et de fraternité. Alors, ils avaient traversé des espaces incommensurables, que les petits chemins de fer mécaniques, rapides comme l'éclair, une fois qu'on leur a donné le tour de clé, mettent bien 2 minutes à franchir. 2 minutes, c'est-à-dire 2 siècles dans cette éphémère existence des joujoux. Ils avaient passé devant les boîtes à soldats, devant la forteresse en carton au haut de laquelle un mignon fusilier est censé surveiller l'approche de l'ennemi, devant les affreux bédouins, pareils à des fantômes sous le flottement de leurs vastes burnous blancs, devant les arches de Noé plongées dans les douceurs d'une paix profonde, devant les bergeries où des moutons cravatés d'une faveur rose avaient vaguement fait entendre de confus bêlements d'allégresse en reconnaissant leurs amis les pèlerins. Et ils avaient encore coupé à travers des forêts de sapins tout chargés de colifichets étincelants et qui n'attendaient que la nuit de Noël pour flamber comme des torchères dans les chambres tapissées de houx et de gui. Là, des bêtes malfaisantes, tigres, lions, panthères, jaguars, avaient allongé vers eux leurs gueules, mais sans leur faire de mal, car un pouvoir miraculeux les mettait à l'abri des atteintes des méchantes bêtes, non moins que des méchantes gens. Aussi, pas plus que les terribles habitants des forêts, le diable de la boîte à surprise et ses suppôts, les funestes arlequins et les malicieux polichinelles, ne s'étaient départis vis-à-vis de ces doux voyageurs d'une réserve prudente. Et sans trêve, ils avaient marché, laissant derrière eux des pays merveilleux où des girafes et des éléphants carapassonnés de pourpre et d'or promenaient parmi les palmiers des princes indiens et des reines asiatiques, assis sous des palanquins, dépassant des contrées peuplées de nains, de fées, de chabotés, d'ogres ouvrant des gueules comme des fours, et de délicieuses poupées habillées à la turque, avec des vestes soutachées de filigrane et des pantalons de soie bouffantes. L'horrifique gendarme, toujours à cheval, et qui brandit un sabre de bois si grand qu'il suffirait à pourfendre d'une fois toute une armée de petits soldats, ne leur avait pas demandé leurs papiers, bien qu'il représentât l'autorité, et que généralement celle-ci se montre peu endurante à l'égard des coureurs de grand chemin. Toutefois, comme il est avéré que Pandore ne saurait tolérer la moindre infraction aux lois établies sans faire preuve de zèle, on assure que le redoutable gardien de la paix publique, après avoir porté la main à son tricorne, avait grommelé sous ses grosses moustaches plus aiguisées que des poignards. « Petit mage, vois bien, venu pour petit Jésus, hein ? Passez, mais ne vous avisez pas à recommencer, 1000 milliards de sabretaches !» Ayant fait ainsi des lieux et des lieux sans autre guide que l'étoile d'or dont le scintillement les appelait là-bas, comme un œil ouvert dans les ténèbres, ils étaient enfin arrivés sur la petite éminence qui domine la crèche. Encore un pas et ils toucheraient au terme de leur long voyage. Mais il fallait attendre pour cela que la nuit de Noël eût sonné. Et justement quelques heures les séparaient à peine de l'heureux moment où ils pourraient enfin pénétrer dans la crèche. Il n'y a pas de beau réveillon sans la neige. Aussi le bonhomme hiver s'évertuait-il à secouer ses bottes, sa barbe et sa houppelande pour en faire tomber les blancs flocons. Et ceux-ci tourbillonnaient en folle sarabande, couvrant à mesure le toit de l'étable, les petits sapins et les bergeries, d'une couche brillante qui ressemblait à de l'écume d'œufs fouettés. Rien ne peut dire la douceur du silence qui régnait parmi les jouets pendant que se préparait ainsi la grande nuit sainte. Eux, d'ordinaire si turbulents, se tenaient à présent immobiles et muets, les regards tournés du côté du coucou, et lentement, oh combien lentement, sur le cadran émaillé, les aiguilles se mouvaient avec un tic-tac monté du mécanisme comme une respiration. Même les poupées dont la petite cervelle tourne à tous les vents comme des ailes de moulin étaient prises d'un tel saisissement dans l'attente des choses extraordinaires qui allaient se passer, qu'elles en oubliaient de donner l'essor à leur local. Chose plus étonnante encore, les polichinelles cessaient de médire du prochain. Les acrobates cessaient d'effrayer les sensibles bergères en accomplissant leurs effroyables voltiges, et les cymbaliers, toujours en train d'assourdir les oreilles en cognant l'un contre l'autre leurs disques retentissants, s'interrompaient de troubler les paisibles moutons à roulettes de leur vacarme désordonné. Tout à coup, un ronflement partit de l'horloge, annonçant la sonnerie. La mystérieuse petite porte s'ouvrit en haut du cadran, et le coucou parut, saluant de ses 12 coups de gosier l'heure où, dans une étable de Judée, il y a quelques 1000 ans, naissait le 12 enfant des hommes. Jamais le noir oiseau, messager du temps, n'avait été si ému. À chaque coup qu'il sonnait, la trépidation qui le secouait des pieds à la tête en temps habituel devenait si violente qu'il semblait avoir l'air de vouloir s'arracher de sa ténébreuse petite demeure pour prendre son vol à travers l'espace. Mais ce n'était là que l'effet de la joie qu'il éprouvait à sonner le minuit pour ses amis les jouets, de bien vieux amis en effet, taillés dans le même bois que lui et dont il réglait l'existence en sortant toutes les heures de la cage où l'avaient emprisonné les méchants artisans de la forêt noire. Oui, son plaisir à leur annoncer Noël l'agitait si fortement que, bien qu'il eût voulu claironner plus haut que Chanteclair, le grand coq à soufflet dressé sur ses ergots, il ne put émettre qu'un souffle qui, tout de suite, se perdit dans l'immense rumeur des poupées, des polichinelles, des soldats, des jockeys et généralement de tous les individus quelconques qui pullulaient chez Cabarrus. Cette rumeur où il y avait tout à la fois de l'allégresse et de l'admiration s'expliquait à la vérité par le spectacle qu'offrit brusquement la petite crèche. Là, sur des pailles luisantes comme de l'or, une petite chaire de cire reposait, si transparente et si rose qu'on eût dit un fondant et que l'émail des plus coûteuses poupées pâlissait à côté. C'était le petit Jésus des jouets. Près de lui se tenait assise la Vierge Marie, la tête couverte d'une draperie bleue qui lui descendait jusqu'aux genoux. On aurait pu imaginer de plus doux visage, avec ses grands yeux noirs où semblait se réfléchir l'étoile d'or, et l'aimable sourire qui flottait sur sa bouche. Sans nul doute, en la faisant si belle, l'artiste avait voulu exprimer la tendresse et le bonheur qui, chez les joujoux comme chez les hommes, se revêtent toujours de couleurs brillantes. Les trois mages, d'ailleurs, avaient été aussi, de sa part, l'objet d'une prédilection toute spéciale. À présent, ils regardaient la crèche avec les signes de la plus vive émotion, tous trois si richement vêtus et peints de tons si tendres qu'on ne pouvait se méprendre un seul instant sur leur titre de roi. Le nègre surtout écarquillait dans sa face noire des yeux ronds comme des boules de loto et qui, à force de se fixer sur le joli enfant de la crèche, avait fini par loucher, ce qui donnait à sa grosse figure couleur d'ébène un air particulièrement émerveillé. Les vaches et les bœufs eux-mêmes semblaient avoir, comme l'étoile et les moindres objets de cette étonnante boîte de nativité, des regards humains pour contempler l'événement dont une providence amie des humbles avait permis qu'ils fussent les témoins. L'âne, un peu plus loin, avec sa belle selle en velours rouge, dressait superbement les oreilles, comme s'il eût été un personnage indispensable et que la fête n'eût pu être complète sans lui. Tout ce monde était heureux, bien heureux. À leur manière, l'âne et les bœufs faisaient entendre des cantiques en meuglant et en braillant. Et je vous assure qu'ils n'étaient pas moins beaux que ceux des mages et des bergers. Le concert était repris plus loin par les petits moutons des bergeries et les bêtes des autres étables. Puis les chevaux se mirent à hennir, les éléphants prolongèrent leurs barris, l'aigre crécelle des cigales essaya de dominer les autres bruits. De moment en moment, le cœur s'élargissait. Mille cris discordants finissaient par se fondre dans cet alléluia. Même les tigres et les lions adoucirent leurs rauques clameurs pour chanter la gloire du suprême ouvrier qui n'avait pas dédaigné de mêler de simples animaux à cette fête de la pacification. Pendant un instant, la discorde s'effaça de dessus la terre, tout au moins dans cette portion du globe qui était la boutique de Cabarrus. La guerre cessa de ruer les uns contre les autres les petits soldats de plomb. Il y eut entre les singes, les chiens, les chats, les souris mécaniques, les serpents articulés et le reste de la création un accord touchant. Et la fraternité devint une réalité qui changea la face des choses, comme si véritablement il eût suffi de l'apparition du petit Jésus dans sa crèche pour éteindre les vieilles haines, dissiper l'esprit de ruse et de perversité, consommer à jamais l'œuvre d'amour et de paix. Qui fut bien penaud? Ce fut le diable de la boîte à surprise. Coup sur coup, il sortit de son coffre, piquant des têtes dans le vide, remuant sa grande barbe noire et ses gros sourcils, faisant d'incroyables efforts pour terroriser le monde comme par le passé. Mais son pouvoir semblait fini. Personne ne prenait plus garde à ses mines terribles. Il se démenait au milieu de l'indifférence générale. Et la confiance était à ce point revenue que, quand il poussait son couvercle en éternuant, les poupées lui répondaient en riant « Dieu vous bénisse !» De guerre lasse, il replongea dans sa boîte où il prit le parti de dormir jusqu'au lendemain. Malin comme un diable qu'il était, il savait bien le mauvais, que la bonne entente ne règne jamais longtemps en ce bas monde et qu'il est au plus beau rêve un réveil qui en met à néant les trompeuses illusions. Du moins, c'est ainsi que raisonnait cet ennemi du genre humain. Et la symphonie y allait, chantait par l'air, battait des plafonds, soutenue maintenant par la grêle musique des harmonicas et des violons à dissous. Puis les trompettes se mirent de la partie, les flûtes piolèrent, les tambourins ronflèrent, tout l'orchestre des petits instruments de cuivre et de bois se déchaîna. À un certain moment même, comme pour renforcer le bruit, les canons lâchèrent leurs volées, tirèrent des salves, qui se confondirent avec le mugissement des petites locomotives, et les moulins à vent tournaient, des grelots imitaient le drlin-drlin des cloches dans les beffrois, les batteries de cuisine au fond des boîtes à ménage s'entrechoquaient. Il semblait vraiment qu'une âme était descendue dans les plus obscurs jouets et opérait le miracle de les associer à la commune allégresse. La métamorphose n'était pas moins sensible chez les poupées et les polichinelles. Celles-là étaient prises d'attendrissement à l'idée que leur rêve d'une affection partagée allait enfin se réaliser. Et elles ne pensaient plus qu'à se dévouer, à se faire les compagnes inséparables et constantes des petites filles, leurs futures amies. Le bon petit cœur que leur a donné la nature l'emportait à la fin sur les écarts et les folies de leurs mignonnes têtes, toujours préoccupées de futilité, et qui, comme toutes les têtes un peu sottes, quelquefois sans le savoir, paraissaient versées dans la méchanceté. Mais, Dieu merci, ce n'était là de leur part que de simples apparences, et peut-être leurs défauts, qu'un grave auteur comme moi est toujours tenté d'exagérer, ne leur venait-il que de leur ressemblance avec les grandes personnes dont elles sont l'amusement. Quoi qu'il en soit, aucune pernicieuse pensée ne surnageait plus cette nuit-là aux bonnes intentions revenues. Toutes également auraient pu être citées comme des modèles de douceur et d'abnégation, toutes, dis-je, depuis les poupettes à six sous, dont le corps rembourré de sons s'étoffe d'une percaline rose qui, par moments, s'oublie jusqu'aux teintes cardinalines de l'écrevisse, les humbles poupettes des pauvres aux têtes en bois plaquées de vermillon aux joues et de vernis lac aux cheveux. Ce qui ne les empêche pas d'être aimées de leur petite maman aussi tendrement que les autres, toutes, jusqu'aux étonnants bébés articulés qui ont de vrais cheveux, des yeux de nacre mobile, dépendant aux oreilles et dont la peau pâle, satinée de reflets de chair humaine, se dérobe sous des batistes, des soies et des fourrures. Quant aux polichinelles, tous chamarrés d'or et bariolés comme des arcs-en-ciel, afin de donner le change sur leur âme plus noire que la face des petits ramoneurs, j'ai quelque raison de croire que leur candeur était plutôt affectée que réelle. Ce n'est pas pour rien que le Créateur leur a donné un long nez recourbé en demi-lune, une bouche en coup de sabre et un menton qui, pareillement à celui du diable à surprise, de l'astrologue et des sorciers, s'avance comme la pointe d'un sabot. Avec un semblable masque, si beau que soient les dehors, il n'est ruse auquel on ne doive s'attendre. Ajoutez les deux sacs à malice qui, sous la forme des bosses jumelles, leur pendent au dos et à l'estomac, vraies besaces d'enfer qu'ils portent partout avec eux et qui, depuis le commencement du monde, leur servent à répandre sur les hommes les pires fléaux, je veux dire l'envie, l'ironie et la calomnie. Cependant, tant bénin était le charme de cette incomparable nuit, qu'un au moins des nombreux polichinelles qui infestaient la boutique à Cabarrus, un pauvre et vulgaire polichinelle en loques de coton à peine rehaussées, de quelques liserés de paillons, et duquel constamment se moquaient les autres polichinelles tout pimpant d'or, de plumes et de satin, rêva véritablement de se sacrifier pour les suprêmes délices du petit enfant auquel il était prédestiné. Oui, il accepterait d'être mis en morceaux, déchiré, déchiqueté, tailladé, sans mot soufflé, si tel était le bon plaisir du rose tyran qu'il aurait en partage. Par quelle magie les sapins, les joyeux sapins de Noël disséminés parmi le magasin, s'allumèrent-ils soudainement dans les ténèbres pleines de musique et de chants? Quelle main mit le feu aux innombrables bougies rouges, vertes et bleues, attachées par des fils de fer à leurs branches? Nul jusqu'à ce jour ne l'a pu dire, et pourtant c'était un fait qu'un aveugle seul eût pu contester. En moins d'une seconde, du haut en bas, les beaux arbres constellés de rubans et de fanfreluches se mirent à flamboyer comme des lustres, ou, pour être plus vrai, comme un firmament illuminé d'astres. La petite étoile d'or, en effet, qui seule tout à l'heure éclairait l'ombre, semblait à présent s'être multipliée en des milliers d'autres petites étoiles, qui toutes scintillaient dans la profondeur des noires verdures, les unes sous la forme de découpures en papier, les autres sous la forme de trèfles roses dans des lanternes vénitiennes. Et l'on eût dit autant de petits yeux clignotants dont le regard coulait doucement à travers l'espace et versait sur les jouets quelque chose de la douceur et de la tendresse que laissait aussi tomber jusqu'à eux la belle étoile d'or, conductrice des mages et des bergers. Les petits arbres des bergeries eux-mêmes, avec leur frisure de copeaux et la rondelle de bois jaune qui leur tient lieu de terre nourricière, étincelaient de langues de feu qui, sous les verts feuillages, ressemblaient à des fruits de pourpre et d'or. Et tout, dans la vieille chambre où s'empilaient les marchandises de Cabarrus, si toutefois un pareil mot n'est point irrévérencieux pour les délicieuses illusions et les songes séduisants de ce joli monde chimérique, tout, sous les plafonds fourmillants de sabres, de tambours, de shakos, de fusils, de charrettes à quatre roues, de chevaux harnachés, de pantins, de poupées, d'harmonica. Tout le long des murs, à la vitrine, sur le comptoir, étaient rayons, lumière, éclats, disques clairs comme la lune, paillettes enflammées, aigrettes flambantes. Et des trumeaux croulaient par longues grappes, les mirlitons, les boules de métal, les trompes, les balles de gomme, Les chats assoufflaient les cahiers d'images, les livres de contes de fées, une avalanche de choses brillantes qui donnaient l'idée d'arbres merveilleux poussant dans une terre enchantée. Jamais les braves joujoux n'avaient été à pareille fête. De joie, les acrobates se livraient sur leurs trapèzes à des cabrioles vertigineuses. Les clowns à papillons dans le dos et à toupet d'étoupe sur le front rivalisaient de gambades et de cocasseries. L'homme orchestre tapait sur sa grosse caisse avec une telle frénésie qu'il en devenait délirant. La danseuse de cordes, à force de presser le mouvement, n'était plus qu'un éclair rose et bleu dans un cercle de feu, et les cymbaliers à casaque safran et à culotte indigo se démanchaient les bras en cognant leur tam-tam si activement qu'ils eussent fait honte aux paillasses les plus habiles à frapper le gong dans les parades des foires. Le bonhomme hiver, lui, continuait toujours à secouer ses blancs flocons, légers comme du duvet de cygne. Une douce gaieté, comme seuls en ont les vieux grands-pères, jouant avec leurs petits-enfants, animait ses yeux et mettait un sourire sur ses flots de barbe. Certes, il n'avait rien de commun avec l'affreux hiver des rues, celui qu'on voit patauger dans des mares de neige fondue, étoilée de crottes jusqu'à l'échine. C'était au contraire un hiver bien élevé, nullement terrible malgré son apparence d'ours polaire, et qui s'amusait à neiger bien moins pour faire de la peine aux pauvres gens que pour les engager à goûter au coin du feu, dans la rumeur des enfants, la paix heureuse de la famille. Ainsi eussiez-vous certainement pensé si vous l'aviez vu étinceler sous la clarté des bougies, tout scintillant de perles et de diamants dans sa fourrure de givre qu'on eût léché du bout de la langue, tant le givre ressemblait au sucre dont les pâtissiers saupoudrent leurs bonbons. Longtemps encore dura cette fête d'illusions et de folie. Longtemps encore autour de la petite crèche résonnèrent les cantiques des pâtres et des ouailles célébrant la naissance du Sauveur. Et toujours les harmonicas, les trompettes, les trombones, les flûtes, les violons vibraient, ronflaient, grinçaient, cornaient. Toujours allaient les pirouettes, les gambades et les saltations des acrobates, des clowns, des arlequins et des polichinelles. Mais comme le matin commençait à filtrer par les contrevents, un coq à soufflet chanta. Aussitôt le magicien leva son bâton. Les lumières s'éteignirent. Une paix froide tomba sur les pauvres sapins naguère si brillants. Les jouets redevinrent muets, et dans la demi-obscurité, il ne resta plus que la clarté vivante d'une petite bouche continuant à sourire aux mages, aux vaches, à l'âne, aux poupées, aux pantins, à tous les êtres de la boutique. Et cette bouche était celle de l'enfant Jésus couché sur sa botte de paille, là-bas, contre la vitrine.